Grand 5, gens et paysages d'affaires. Derrière cet univers mondain et féminin, pour soutenir son indépendance eux-mêmes et son initiative, ce qu'il y a donc en Amérique comme ailleurs, c'est l'homme. Mais un trait distingue cette civilisation. Cet homme, ici, appartient à une seule catégorie. Dans ces États-Unis où il n'y a pas de noblesse, pas de bourgeoisie terrienne, presque pas d'officiers, pas de corps diplomatique, un minimum d'administration, la société dans les deux sens de ce mot est la chose de l'homme d'affaires, classe immense, et qui va de l'hôtelier au politicien, celui-ci engloutissant dans la mise en train de son hôtel des 800 000 dollars, celui-là procédant à son élection, au vote et au rejet d'une loi, avec des procédés d'entrepreneur. Aujourd'hui, l'homme d'affaires a même enrégimenté sous ses ordres et il emporte dans le tourbillon de son activité cette population rurale, si séparée de lui dans les autres pays. L'extension du territoire et les énormes transports des bestiaux et des blés par voie ferrée, la service aux compagnies de tout genre qui ont, elles aussi, entrepris la nourriture de toute l'Amérique. Une preuve bien significative de ce fait particulier est la disparition quotidienne des fermiers de New England, de ces personnages si locaux, si savoureux, dont les mœurs simples et vraies ont fourni un objet inépuisable d'études à tant de romanciers et de romancières. Incapables de lutter par leur action isolée et individuelle contre la trop forte concurrence de l'Ouest, ces fermiers émigrent du côté de la prairie. Et l'on trouve sans cesse dans les journaux des annonces où ils mettent en vente leur modeste propriété, avec des références comme celle-ci que je transcris sans y rien changer. S. Massachusetts, à vendre une ferme de 72 acres, fenaison, mowing, 8 acres, pâturage, 18, forêt, 34, terre labourable, 12. Presque tout l'herbage peut être coupé à la machine. Maison à un étage, 5 chambres, exigeant quelques réparations. Petite grange en bon état. Bonne eau de puits près de la maison et eau courante derrière la grange. 20 pommiers, 12 arbres fruitiers, d'autres variétés. Station de chemin de fer à L, 6 000. Bureau de poste à S, 1 000. Prix, 400 $. 100 $ comptant. Intérêt sur la différence, 4%. Quel drame de ruine rustique s'entrevoit derrière ces humbles chiffres et derrière le détail de cet humble inventaire. Quelle laborieuse et presque idyllique existence. J'ai encore rencontré des conditions analogues bien loin dans le sud parmi les survivants de ces colons de race blanche qui n'avaient pas d'esclaves. Les Noirs, par mépris, les appelaient des crackers. J'ai dans les yeux, en écrivant ces lignes, l'image d'une maison de bois perdue dans les forêts de térébinthe qui couvre la Géorgie. Un vieillard de 70 ans l'habitait avec sa fille, ses fils et les enfants de ses fils, de petits garçons aux jambes musclées déjà comme des bras, qui couraient pieds nus parmi les chevaux. Ces gens avaient cette politesse fière des familles qui n'ont jamais connu de supérieurs, n'ayant eu ni vanité ni besoin. Le vieux se souvenait d'avoir entendu conter que son arrière-grand-père venait de France, de Bretagne, croyait-il, et le prénom de René, demeuré parmi eux, attestait cette origine lointaine. Leurs beaux yeux clairs, des yeux de Celtes, rayonnaient d'une lumière d'honneur. Rien à leur table qui ne fût recueilli sur leur terre et fait de leurs mains, excepté le café et le tabac. « Nous avons tout, » disaient-ils, « même du vin. » Et ils m'apportèrent avec l'orgueil de Robinson recevant le capitaine espagnol une liqueur d'un rouge pâle, qui était du sirop de raisin adouci, de canne à sucre et versé, faute de bouteille, dans une casserole de fer blanc. Des vaches, des chèvres, des porcs paissaient librement autour de la maison. Les fusils pendus à l'entrée brillaient de l'éclat des outils souvent employés. Je pensais que j'avais devant moi le pionnier primitif, tel qu'il abondait, voici 100 ans. Il en est de lui comme des bisons dont les derniers troupeaux se gardent jalousement au Yellowstone Park. Il a disparu pour être remplacé par l'ouvrier de culture, et ce dernier n'est plus qu'un instrument aux mains de ces hommes d'affaires que vous retrouvez du haut au bas de ce vaste pays, en train de le pétrir sans cesse et de le repétrir. En haut, ils lui donnent son élégance particulière par le luxe de leur palais, de leur villa, de leurs femmes et de leurs filles. En bas, ils lui distribuent son pain par l'enrôlement des ouvriers. « Je pense, disait l'autre jour un d'entre eux, un orateur de premier ordre et qui serait président peut-être, si justement la démocratie américaine ne se débattait contre ce réseau plutocratique, M. Saunsay de Pew. Je pense qu'un directeur de chemin de fer rend un énorme service au peuple. Il a sous lui de 20 à 30 000 hommes qui représentent par leur famille de 100 000 à 200 000 têtes, et leur bien-être, non seulement physique mais mental, social et moral, dépend presque absolument de lui. Une entreprise de boucherie comme celle des Armours à Chicago, c'est la mise en mouvement quotidienne de 11 000 employés. Le général en chef, de cette armée de travailleurs est souvent un homme qui, à 20 ans, demeurait dans un lean-to, un appuyé à, c'est-à-dire une maisonnette de planches adossée contre un rocher ou contre un gros mur. Il n'a pas plus de 40 ans et il vaut 5 millions de dollars. Encore quelques années, il en vaudra 10, il en vaudra 15, jusqu'à ce qu'il meure d'une maladie de cœur dans une cabine de bateau ou dans son wagon privé, beau-père d'un lord anglais ou grand-père de jeunes princes italiens, mais familièrement regretté ou maudit sous son petit nom de Jim, de Tom ou de Billy par ses ouvriers, selon qu'il aura su s'en faire aimer ou s'en faire haïr. Voilà le personnage vraiment nouveau, impossible à rencontrer partout ailleurs, et qu'il faudrait se figurer du petit au grand, car la série en est infinie. Pour comprendre vraiment le plus original de cet étrange peuple, il y a dans ces vigoureuses natures d'hommes d'affaires un côté de génie technique, qu'aucun observateur, si profondément imaginatif soit-il, ne saurait définir. On me raconte qu'un autre portraitiste, car les Américains ont la passion, presque la folie du portrait et celle du buste, se trouva chargé l'année dernière de peindre un des plus célèbres banquiers de Wall Street. Désespérant de jamais obtenir une séance sérieuse, tant les heures de son modèle étaient bousculées, le peintre finit par se transporter au bureau même du spéculateur, qu'il brossa sur place, ayant aux mains la bande de papier déroulée automatiquement, sur laquelle s'inscrivent, seconde par seconde, les cours des valeurs. Exact symbole de ce que nous arrivons à saisir, nous autres, hommes d'art ou de pensée abstraite, quand nous étudions quelqu'un de ces constructeurs d'énormes fortunes. Nous voyons un geste, une face absorbée, l'attention d'une énergie prodigieuse et rien de plus. Ce que le manieur d'argent éprouve en regardant les chiffres, la marche particulière d'un esprit de cette qualité en travail de combinaison, pourquoi celui-ci triomphe et pourquoi cet autre échoue ? Autant de problèmes qui nous demeurent insolubles. J'ai mentionné tout à l'heure le nom de M. Chauncey de Pew. Il y a dans le recueil de ses discours, publié cette année même, une phrase singulière sur le génie inégalé, des premiers des Vanderbilt, le célèbre Commodore. Les quelques résultats que l'orateur donne à l'appui manifestent en effet une telle supériorité qu'on ne pense plus à s'étonner de cette qualification. Nous admettons avec le spécialiste qu'une force intellectuelle a fonctionné là, aussi remarquable que celle qui gagne des batailles, gouverne des parlements, fait et défait des traités. Mais il la comprend, lui, cette force, parce qu'il a travaillé à côté d'elle, sous elle, avec elle. Pour nous qui n'avons pas, qui ne pouvons pas avoir cette vision pratique, ce talent professionnel demeure dans le domaine de l'indéfinissable et de l'inatteignable. Une seule ressource nous reste, regarder de notre mieux l'œuvre que ces hommes d'affaires produisent, le décor où leur activité se déploie, les conceptions qu'ils exécutent, et à travers les impressions éveillées en nous par ce spectacle, hasarder quelques hypothèses sur la sorte de nature humaine que cette œuvre, ce décor, ces conceptions supposent. J'ai essayé cette expérience maintes fois durant mon voyage, particulièrement dans une trop courte visite du côté de l'Ouest, à Chicago, à Saint-Paul, à Minneapolis, du moins dans ce qui était l'Ouest jadis, car de 5 ans en 5 ans, ce bord de la civilisation recule, et voici venir l'époque où les gens du Colorado s'offenseront de n'être pas traités de gentlemen de l'Est. Qu'importe d'ailleurs, Est, Ouest, ce sont des mots. Ce qui est une réalité et prodigieuse, c'est la poussée des trois villes dont je viens d'écrire les noms, et qui n'ont pas à elles trois, en mettant leurs années de durée bout à bout, plus d'un siècle et demi. L'on songe que derrière cette croissance démesurée, derrière ce passage presque immédiat du désert à une cité de 200 000, de 500 000, de 800 000 habitants, c'est toujours et uniquement l'énergie de l'homme d'affaires qui se retrouve, et l'on cesse d'avoir à son égard les préjugés du lettré. J'espère qu'il n'en restera pas de trace dans ces quelques croquis que je détache de mon journal et dans les 2 ou 3 conclusions psychologiques qui les commentent. Chicago, par un matin d'automne, et du haut de la tour de l'auditorium, elle a 270 pieds cette tour, et elle couronne en la dominant une chaotique, une cyclopéenne construction, qui adosse un colossal hôtel à un colossal théâtre. Il faut venir ici dès le lendemain de l'arrivée, pour recevoir dans toute sa force l'impression de la monstrueuse ville, toute noire au bord de son lac tout bleu. Quand le conducteur du train a crié hier soir le nom de la gare où je devais descendre, un de ces formidables orages, comme il n'en fait qu'en Amérique, écrasait de ses cataractes le ténébreux paysage, et de la station à l'hôtel, je n'ai pu voir que des profils de gigantesques bâtisses, comme pendus dans le ciel sinistrement zébré d'éclairs. À côté, de toutes petites maisons de bois tremblaient sous la rafale, légères à croire que le vent furieux allait en disperser les planches aux 4 coins de cet horizon de tempête. Mais ce matin, ce ciel est clair, d'une douce et tiède clarté lavée de pluie qui fait mieux ressortir encore la sombre couleur de la ville. Et ce bleu tendre se reflète dans l'azur plus sombre du vaste Michigan, sillonné de bateaux à vapeur, comme une mer. Chicago s'étend à perte de vue, avec ses toits plats d'où s'échappent des fumées, une innombrable quantité de colonnes de vapeur d'un gris blanchâtre. Elle monte toute droite, puis elle s'arrête, elle se tasse, en des chapiteaux fluides, et elles finissent par se rejoindre en dôme au-dessus des colossales avenues. Après quelques instants, les yeux s'habituent à la perspective de ce paysage étrange. Ils discernent des différences entre les hauteurs de ces plateformes. Celles qui sont à 6 étages seulement du sol semblent appartenir à des chaumières. Celles qui sont à 2 étages du trottoir se confondent avec lui, tandis que des buildings à 14, à 15, à 20 étages se dressent comme les îlots des Cyclades, vus de la montagne de Négropont. Et il monte de cette cité une rumeur immense qui ne ressemble au bruit d'aucune autre. Des cloches de locomotives y tintent sans cesse, comme si elles sonnaient d'avance le glas de ceux qui vont être écrasés. On voit ces locomotives courir de toutes parts, traverser des rues, longer le lac, franchir le fleuve qui roule une eau plombée sous des ponts couleur de suie. Ces trains se croisent, se décroisent, se poursuivent en se dépassant. On distingue un chemin de fer élevé à côté de ces chemins de fer à même la rue. D'autres trains dans les avenues, composés de 3, de 4 voitures. C'est le système des cars à câbles. Les bateaux entremêlent leur vergue et s'amassent dans le port. Oui, paysage étrange, quand on se rappelle que cette babel d'industrie est née d'un petit fortin de frontière, le Dearborn. Les Indiens le surprenaient et ils en massacraient la garnison vers 1812. Que de gens n'ai-je pas connus, quoique je ne sois pas très éloigné de ma jeunesse, qui vivaient déjà à cette date. Et quelle voisine! En 1871, c'est-à-dire après la guerre franco-allemande, la flamme se tordait à la place où je suis. La force dévoratrice irrésistible d'un des plus implacables incendies que mentionne l'histoire allait transformant toute cette plaine en un brasier qui, bien des jours après, fumait toujours. À la place de cette tour qui n'existait pas alors, me dit mon guide chicagoen, en me racontant l'épopée du fléau, vous pouviez vous tenir les pieds dans la cendre et voir le lac à votre droite et le fleuve à votre gauche, sans une seule maison entre eux. Je les regarde l'un et l'autre, ce fleuve et ce lac, après avoir entendu cette phrase. Il m'est plus que voisin ce mois d'octobre 1871. Il me semble que j'y touche, que j'y suis encore. Je pourrais dire les livres que je lisais alors. Les pages que j'écrivais, retrouver l'emploi de presque tous mes jours. Je sens avec une exactitude presque physique la durée des années depuis cette date. 22 années. Que cela fait peu d'heures, paraît-il. Et par-dessus la balustrade de la tour, je me penche de nouveau sur le monstre, avec la stupeur de ce que ces hommes ont fait. Ces hommes ? Le mot est à peine juste, appliqué à cette déconcertante cité. Son aspect, quand on l'étudie plus en détail, révèle si peu la trace de volontés individuelles. Il y a si peu de caprices et de fantaisies dans ces monuments et dans ces rues qu'elles semblent l'œuvre de quelque puissance impersonnelle, irrésistible, inconsciente, comme une force de la nature, et au service de qui l'homme n'a été qu'un docile outil. Cette puissance est justement cette fièvre des affaires qui bat son plein ici, avec une violence si déchaînée qu'elle ressemble à celle d'un incontrôlable élément. Elle circule à travers ces rues comme autrefois la flamme dévoratrice de l'incendie. Elle y palpite, elle s'y fait visible avec une intensité qui donne à cette ville quelque chose de tragique, et à mon avis une poésie. Quand vous avez vu cet immense volcan d'industrie et de commerce du haut de cette tour qui le surplombe, vous descendez pour regarder de près le détail de ce jaillissement, de ce ruissellement d'activité. Vous longez les trottoirs des rues qui disent l'improvisation, ici dallée, là bitumée, là recouvert simplement d'une ligne de planches qui fait chemin sur un marais de fange. Cette incohérence de la voirie se retrouve dans l'incohérence des constructions. À un moment, vous n'avez autour de vous que des buildings. Ils escaladent le ciel de leurs 18, de leurs 20 étages. L'architecte qui les a bâtis, ou plutôt machinés, a renoncé aux colonnades, aux moulures, aux enjolivements classiques. Il a brutalement accepté la condition imposée par le spéculateur, multiplier autant de fois que possible la valeur du petit lopin de terre, à la base, en multipliant les offices superposés. C'est un problème capable seulement d'intéresser un ingénieur, croirait-on. Il n'en est rien. La force simple du besoin est un tel principe de beauté, et ces bâtiments manifestent ce besoin avec une telle évidence que vous éprouvez une singulière émotion à les contempler.